Episode Overdrive on Radio Dio. Okay, we're gonna put another song in tonight we haven't played on this tour so far. This one's called Warrior! Come on, let's get crazy! Sur le de Radio Dio avec bien entendu Overdrive pour débuter l'émission ce soir. Saxon avec ce The Eagle Has Landed the Part 3, triple album qui était, enfin double album ici, qui était paru en 2006. Le morceau Warrior enregistré en 2005 en Allemagne. Voilà, dans Overdrive ce soir on aura de la bonne musique, des annonces bien sûr de festival de l'été que l'on retrouvera dans les prochaines semaines, mais pour débuter Overdrive, on va commencer tout de suite avec le dernier album de Rival Sons. Rival Sons, ce sera Dark Fighter, première partie de ce diptyque. La deuxième partie devrait bien sûr sortir à la fin de l'année. Et on a ici quelque chose d'assez roots, bien entendu, comme Rival Sons nous a habitué ces dernières années. Pas mal de fuzz dans les guitares, hein, sont très travaillés. J'apprécie tout particulièrement ce groupe exceptionnel et son chanteur Jay Buchanan. Rival Sons, extrait de son dernier album Dark Fighters, vraiment une belle leçon de rock'n'roll. Tout est bon à la fois, le groove, le morceau, les parties vocales, le son de guitare, là aussi quelque chose d'assez reconnaissable, même si les influences 70s sont bel et bien présentes. Virgin Steel maintenant, les Grecs de Virgin Steel nous reviennent avec cet album toujours inspiré par la mythologie. Ça s'appelle The Passion of Dionysus, ça voit le joueur sur SPB Records, et on envoie tout de suite le morceau qui s'appelle You Will Never See the Sun Again. Ce sera sur Overdrive Radio Duo. blood fell from their eyes, like dust to defile the morning, and the ashes still the cries. The daybreak burns to midnight, all colors are tonight. A goddess wakes beside me, but her love's a bit of ice. Faith deserts the hero, and all passions turn to ice. A billion stars above me, what these gods don't lead me wise. I cry out to disaster, and I'm answered by despise. To build a grave of spirits with the wealth of all my we'll be right back. entendre le dernier album de Virgin Steel, avec ce You Will Never See the Sun Again. Vous écoutez bien le 895 de Radio Dio, il est 21h, passé de 50 minutes. Dionysos, The Passion of Dionysos par Virgin Steel, avec ce morceau You Will Never See the Sun Again. Même si on a ici une petite production, il faut bien se l'avouer, on a toujours un grand chanteur, ce David de Face. On passe au groupe français maintenant. Apex Origin avec ce Beyond a Lifetime, une pochette qui pourrait être un hommage au Titanic. Beyond a Lifetime, très bonne production du métal progressif mélodique. C'est parti tout de suite sur le 895 de Radio Dio avec le morceau Blue Dream. Blue, blue, blue, where my dreams are blue. By the big blue, almost got away. Blue, red, red. battle will soon be over. You fear it's time to die. Apart from the flying horses, thy fury is like the sky. There's a prophecy of Oscar's fall. You will join the force in all his hell. You shall fight for us, you'll die for us. It's time to honor all his call. Born in Valhalla, born in Valhalla. Join with the warriors of Oscar's king. Born in Valhalla, born in Valhalla. Hark what the host call you to Odin's team. Born in Valhalla. You'll join the eternal forces, you'll fight under Odin's reign. Your life in this world is ending, but you'll be born again. A feast for the men of honor, you feel it's time to die. The guardians above are calling, that fury's in the sky. There's a prophecy of Oscar's fall. A prophecy. You will join the force in Odin's hall. In Odin's hall. You shall fight for us, you'll die for us. It's time to honor Odin's call. Voilà pour Hold for Metal que vous venez d'entendre sur le 895 de Dio. Il est 22h pile, toujours Overdrive pour l'émission qui pulse un max. Voilà, après bien sûr ce Hold for Metal avec cet album Legends et ce morceau Born in Valhalla, on va rester dans le Power Metal à tendance un petit peu cheesy avec Glory Hammer tout de suite et le morceau Wasteland Wires Utes Patrol. Vous écoutez toujours Overdrive. Yes, pour les amateurs de power metal, comme je le disais, le groupe Glory Hammer. On va continuer maintenant avec Sacred Outcry, qui nous joue une veine un peu plus sérieuse de heavy metal, on va dire traditionnel, ici avec cet album Towers of Gold. La production se veut bien plus, on va dire, bien plus roots en fait, avec quelque chose qui se faisait beaucoup plus dans les années 80. Sacred Outcry avec cet album Towers of Gold, c'est bien sûr sur Overdrive Radio Duo. Yeah. Yes, vous venez d'entendre Sacred Outcry avec ce morceau The Flame Rekindled et cet album, Stars of Gold. Voilà pour une superbe prestation de heavy metal pur et dur. Donc on va passer maintenant à des choses un petit peu différentes. On s'est fait plaisir en écoutant des choses qui ne nous sortent pas vraiment de notre zone de confort, pourrait-on dire, néanmoins, qui sont toujours plaisantes à entendre. Maintenant, le projet United Guitars, déjà diffusé dans l'émission la semaine dernière, nous sort ce volume 4, sur lequel vous retrouvez une petite brochette de guitaristes à la fois français et originaux. On retrouve le guitariste notamment d'ADX, bien sûr Neo Geo Fanatic, présent depuis les débuts, mais également des gens qui viennent plutôt du monde du blues ou même du jazz rock. On pense notamment à Robin Ford, Sylvain Luc, voilà, et puis bien sûr pas mal de youtubeurs. Guitare Kaiju Wars, maintenant extrait de cet album Volume 4 by United Guitars. Yes, United Guitars rime avec guitare, bien sûr, Heroes, comme ce Joe Bonamassa que vous retrouverez sur la scène du festival Guitare en scène. Ce sera du côté de Saint-Julien en Genevois, bien sûr, Haute-Savoie, proche de Genève. Et on va diffuser deux groupes de la. De la programmation du festival. On aura bien sûr Sting, Joe Bonamassa, Magma, Vintage Trouble, Wish Bonash, le guitariste Eric Gale. Pour ceux qui aiment le blues rock, vraiment c'est exceptionnel. Jelusic également, le All Star Band du guitare du festival Guitar on Scene avec Legends of Rock. Il devrait jouer pas mal de grands classiques, ainsi que Porcupine Tree et Joe Bonamassa qu'on va passer tout de suite. A noter que groupe Journey et Neil Sean avaient prévu d'être présents, mais qu'ils ont la semaine dernière annulé tout simplement leur prestation. Donc on n'a pas vraiment plus d'informations sur le pourquoi du comment, mais ils seront remplacés par un groupe français qui s'appelle Kokomo. On continue tout de suite Joe Bonamassa, ça se passera du 20 au 23 juillet prochain du côté de Guitare en scène avec ici Dust Bowl de Bonamassa et quelque chose qui a donné ensuite lieu au tout simplement groupe Black Country Communion qui devrait reprendre du service puisque le chanteur Glenn Hughes n'est plus maintenant dans les Dead Daisies depuis quelques semaines. Il a remonté ce groupe Black Country Communion. Ce sera Heartbreaker. Et il ne s'agit pas d'une reprise de Led Zeppelin. We'll be right back. Yes, bonhomme à ça, tout en finesse bien entendu, accompagné de Glenn Youngs. Vous retrouverez le tandem bien entendu au sein de Black Country Communion qui devrait nous ressortir un album très prochainement. Porcupine Tree également sur ce festival de guitare en scène, ça se tiendra du 20 au 23 juillet prochain du côté de Saint-Julien en Genevois. Et j'ai ressorti l'album, pour moi l'un des meilleurs de Porcupine Tree, Fear of a Blind Planet, avec son morceau titre introducteur qui est peut-être l'un des morceaux les plus rapides de la carrière de Steven Wilson, rien que ça. Vous écoutez toujours Overdrive, Radio Dio. Left us simply and not you. Yes, Porcupine Tree, l'un de leurs meilleurs morceaux ici, avec Fear of a Blank Planet, c'était paru en 2007, ils seront le 23 juillet prochain, du côté du festival Guitare en scène en compagnie de Magma. Voilà pour une superbe affiche en compagnie de Joe Bonamassa, Sting, Jelusek, les Legends of Rock de Guitare en scène également. Voilà un groupe qui devrait faire une grosse tournée maintenant dans Overdrive sur Radio Dio. Il s'agit des Tambours du Bronx qui nous a sorti cet album Evolution. On y retrouve 12 morceaux pour 12 petites pépites de métal industriel et basé beaucoup sur les percussions. Donc même si maintenant on retrouve un véritable batteur, la personne de Frankie Costanza, ancien batteur de Dagoba, deux chanteurs à temps complet, avec bien sûr le chanteur Renato Di Folco et également Renaud de Lofo Foran et Steph Buriez, rien que ça. Donc on a de quoi faire. Et sur ce morceau Chaos, qui est bien sûr un clin d'œil à Chaos AD, on retrouve le guitariste de Sepultura, Andreas Kisser. Voilà, tout ce beau monde nous sort une petite branlée de métal industriel et basé sur les percussions. Et ce sera bien sûr Evolution des Tambours du Bronx. We'll be right back. Yes, les tambours du Bronx maintenant dans Overdrive Radio Duo. Voilà qui devrait faire un ravage sur scène. Notez la présence de Andreas Kitzer de Sepultura sur ce morceau qui est en une référence bien sûr à Chaos AD du groupe brésilien. Dans Overdrive, on rappelle que la semaine prochaine, du côté de Colombier et Sauvigneux, vous retrouverez le festival Plein Air Fest. C'est tout juste à côté de l'aéroport Saint-Exupéry à Lyon, donc pas très très loin. Et on retrouve une très belle affiche, Massisteria, également Blind Guardian pour un groupe qu'on n'a pas vu du côté de Lyon, Mirat également, les Carpenters Brut, vous retrouvez Loud Blast et ce Paradise Lost qu'on va diffuser maintenant, Paradise Lost avec son dernier album Obsidian, paru à la pire période possible pour sortir un disque, c'est-à-dire le mois d'avril 2020 en plein confinement. Le disque n'a pas eu vraiment le succès qu'il mérite et on va lui donner sa petite chance tout de suite dans Overdrive Radio Duo avec ce morceau, donc Fall From Grace tout de suite. Vous écoutez Overdrive Radio Duo, Paradise Lost avec Fall From Grace sur la scène du Plein Air Fest samedi 8 juillet prochain. d'entendre Paradise Lost. Ce sera du côté du Plein Air Fest le samedi 8 juillet prochain. Maintenant, du trash rapide dans Overdrive Radio Duo avec ce Bellucci Speedball et cet album assez délire, assez marrant, What Us Worry. Tout de suite dans Overdrive Radio Duo, ça va assez vite, c'est assez trash. Ça fait penser un petit peu à ce que pourrait produire un certain Municipal Waste. Victory, Sicily, 1993, a child is shredding it with a mandolin. He turned that light bulb. For both of us, the sweet decision of prison door, but the feeling. killed your father. Just take my hand. We'll live forever. D'entendre Broken Bomb, extrait de cet album Full Mental Racket. Tout de suite, et le morceau Punch Line. Voilà, on va se quitter avec maintenant le dernier album du groupe Sugar. Ça sort sur Season of Mist pour les amateurs de black metal. Elve Greux avec le morceau Sourd. Voilà. On rappelle le www.facebook.com/overdrive-radio-duo, le www.radioduo.org. On rappelle également la page Instagram Overdrive Radio Duo. Que des bonnes adresses pour retrouver un petit peu de son, et notamment les podcasts qui sont hébergés sur la plateforme Mixcloud. Semaine prochaine, Plein Air Fest. On se dit à dans deux semaines et on se retrouve dans le pit, le Plein Air Fest du côté de l'aéroport Saint-Exupéry, c'est le 7 et 8 juillet prochain. Voilà, merci, ciao, bye bye.